Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin nous retrouver. Écrire aujourd'hui est un moyen de continuer le dialogue. Précis, 27 avril 1997. Il était un piano noir, d'après les mémoires interrompues de Barbara. Adaptation Sophie Lemp. Pour d'autres que soi. En 1987, vous écrivez un texte pour le programme de votre récital au Châtelet. On y lit vos peurs, vos angoisses de femme qui chante, mais aussi tout ce qui se passe dans le monde en cette fin de siècle et qui vous bouleverse, notamment le sida, l'un de vos plus forts engagements. Pourtant, vous vous défendez d'écrire des chansons engagées. Pour moi, une chanson, c'est la la la et ça reste la la la. Je n'ai jamais pensé que la chanson, c'est prendre conscience de quoi que ce soit, ni qu'on refaisait le monde avec des chansons. Pour ça, il faut descendre dans la rue. Et moi, je ne suis jamais descendue dans la rue avec une chanson. Et puis même si je sais parfaitement ce qui se passe dans le monde, en aucun cas je ne pourrais me servir d'une tragédie ou de morts qui ne sont pas les miens pour faire une chanson. Je n'ai jamais déterré des morts qui ne m'appartenaient pas. J'ai honte quand on me dit que je fais des chansons engagées. Je fais des chansons d'amour. Il y a tant d'êtres qui meurent en silence, dans notre silence, que l'on tue sans bruit. Alors quoi de plus banal qu'une chanteuse qui chante? Qu'est-ce que ça peut bien signifier dans ce monde terrifiant d'aller dire « Attention, je vais chanter ». Il y a un enfant qui meurt à chaque seconde. Alors il vaut mieux se faire tout petit. Mais si on ne refait pas le monde avec des chansons, on ne peut pas vivre sans se préoccuper de ce qu'il y a autour de soi. Et il y a cette chose terrible, le sida. Ça a changé les rapports entre les gens. C'est une maladie qui touche à la vie, au malheur, au désespoir. Je l'ai vu de très près. J'ai vu des gens partir dans une grande dignité, me demandant de témoigner. J'ai vu des gens partir dans un désarroi total, une colère, dans une véritable souffrance, morale et physique. J'ai vu des malades solitaires qui appréhendaient de prévenir leur famille. J'ai vu des pères découvrir en même temps l'homosexualité et le sida de leur fils. J'ai vu des jeunes gens culpabilisés par cette maladie du siècle, convaincus que le sida était la punition de Dieu. Je les ai vus partir, sans une plainte, soutenus par des infirmières admirables. Je les ai vus partir et je ne pourrai jamais les oublier. Il y a toujours eu des pandémies, mais celle-ci vient par l'amour, qui est la plus belle chose au monde. Et cela me révolte d'autant plus. On a perdu du temps pour la prévention. On s'est caché derrière son petit doigt. Entendre le pape demander de ne pas mettre de préservatif a été pour moi d'une violence inouïe. Oui, ça aurait été difficile d'exister sans en parler. C'est Jacques Attali qui vous guide dans cette lutte dès 1986. Vous lui demandez comment faire et à qui vous adressez pour essayer de participer à l'action contre le sida. Sa réponse est très claire, deux solutions. L'appareil administratif ou les démarches personnelles, plus souples mais plus difficiles. Je décide d'emprunter mes dédales personnelles. Je compose une chanson sur le sujet et souhaite la faire figurer dans mon prochain récital au Châtelet. Je ne cherche pas à combler un vide, mais il y a un langage qui nous est propre à nous, les artistes. Cela permet de toucher les gens différemment et peut-être là où les autres ne peuvent pas. Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment... Un soir au Châtelet, vous confiez au public « Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. » Je lance les premières notes de « Si d'amour à mort ». Un frisson parcourt la salle. De ce soir de 1987 à votre dernier concert, la chanson sera au programme de tous vos tours de chant. À mourir d'aimer, il d'amour sidané. Oh sida, sida, sida, danger, sida. Oh sida, sida, amour à mort. Oh sida, sida, assassin recherché. Aimer qui a mis l'amour à mort. Mon amour malade, ma douleur d'aimer. Mon damné d'amour, sida, sida né. À vouloir t'aimer, d'amour à mourir. J'en mourrai peut-être, sida assassiné. Oh, sida, sida, comme le furet. Passez par ici, repassez par là. Oh, sida, sida, assassin recherché. Mais qui a mis l'amour à mort? On rêvait d'amour, à mourir d'aimer. Et l'on meurt d'amour, sida, sida né. Maladie d'amour, où l'on meurt d'aimer. Seul et sans amour, sida abandonné. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer. Sans mourir d'amour, sida, sida né. Les damnés d'amour à vouloir s'aimer, ils sont morts d'amour, sida assassiné. Certains vous accusent d'être morbide, toujours attiré par la mort. Je hais la mort, viscéralement, et c'est justement parce que j'aime la vie que je peux parler de la mort et d'une telle maladie. Mon but est de pénétrer dans les prisons et d'y faire de la formation préventive contre le sida par le biais de cette chanson. Je veux aller dans toutes les prisons, les plus modernes comme les plus vétustes, les prisons de femmes comme les prisons d'hommes. Vous rencontrez à cette époque le professeur Jacques Lebovitch, puis le professeur Willy Rosenbaum, vous rencontrez également le journaliste Gilles Pial qui écrit dans Libération, et c'est avec lui qu'un peu plus tard vous allez pénétrer dans les prisons. Vous vous formez le plus précisément possible afin de répondre sérieusement à toutes les questions qui pourraient vous être posées. Mode de transmission, avancée des traitements, dans la voiture, sur le chemin des prisons, je répète, imaginant ce que l'on va me demander. Votre première intervention est au Beaumet, à Marseille, en compagnie du professeur Gastaud. Nous sommes en 1988. Au Beaumet, je chante, puis propose aux prisonniers de poser des questions au professeur. Les questions fusent. Je suis plus impressionné encore par les prisons de femmes, les conditions médiévales de leur détention. Le jour de ma venue à Montluc, exceptionnellement, les fleurs sont autorisées. Certaines détenues n'en ont pas vu depuis des années. Parler du sida à cette époque-là dans les prisons, parler simplement des préservatifs, paraît proprement révolutionnaire. Des associations comme MED ne peuvent pas y pénétrer. Ce dialogue, c'est la même chose que chanter, le même voyage. Depuis 30 ans, je pense et je dis, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, alors j'ai le droit de dire, préservez-vous. Pourtant, personne n'en parle. À force de ne pas dire, on précipite les gens vers des choses terribles. On cache tout. L'amour est tabou, le sexe est tabou, la mort est tabou. Sur scène, on a un pouvoir. Il s'agit donc d'être responsable de ce qu'on dit. Je ne crois pas que j'ai été utile, mais j'ai essayé quelque chose. J'ai une entente avec le public qui a pu, dans cette guerre colossale contre le virus, apporter sa part. Mais lors de mes rencontres avec les détenus, j'ai reçu bien plus que je n'ai donné. Quand on entre en prison en visiteuse, on en ressort le soir, mais pas en entier. Et puis nous, on rentre, mais eux, ils restent. Même fameuse parloir, le ciel ou nos couloirs, le courage ou l'espoir de rêve ou désespoir. Fameuse parloir, dans votre vie placard, sans ciel, sans fleurs, sans berce, où vous baignez des oiseaux, derrière vos barreaux, petite rêveuse de parloir. Orpheline de la dérive, délit délinquante, tous un jour braquage, stupe et stupéfiante. Petite fille sans square, décide de trottoir, de galère en galère, de rêve en poussière, cassée, brisée, balancée. Rêveuse de parloir, sans soleil, sans maison, sans enfant, vous n'avez plus rien. Le bruit des clés, des grilles qui claquent, rythme faux, vie métallique, verrou verrouillé derrière la lumière. Vous peignez des bateaux qui vous traversent, de l'autre côté des barreaux. Rêveuse parloir, voyageuse de l'espoir, je pense à vous, je pense à vos regards, je pense à vos rires, je pense à vos larmes, à vos filles de femmes sans amour. Je pense à vous qui marchez vos vies de courage en espoir, de rage en désespoir, vers la lumière au bout du couloir. Toi la petite Bonnie, Julie, Fatima, fille à Dédé, la femme à Fredo, Nadia, Oura, la petite Victoria, Nicole, Michel et vous Marise. Je pense à vous, je reviendrai vous voir. Jeanne-Marie, Rose Claire, Lucie, Brigitte, Julienne, Johanna, Louise, Susan, Shema, Aïcha, et vous, maman Berthe. Je pense à vous, oh rêveuse, petite rêveuse parloise. À Mogador, en 1990, vous mettez à la disposition du public de petits paniers en osier remplis de préservatifs. Vous agissez seul. Tout ça, je le fais parce que je n'ai pas d'autres enfants que ceux qui viennent à ma rencontre. Ce sont mes enfants de substitution. Je me dois de les protéger. Alors à ces centaines d'enfants, je dis, à la fin de mes spectacles, « Au nom de l'amour que je vous porte, enfants qui auriez pu être les miens, ces préservatifs, mettez-les. » À la fin d'un concert, vous lancez à votre public malicieuse « Les préservatifs ne sont pas faits pour se les mettre sur la tête. Il faut absolument que vous les mettiez toujours, chaque fois. Le vaccin, bien sûr, ils vont le trouver un jour. Mais en attendant, à part l'abstinence ou la fidélité, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Mais il n'y a rien d'autre que ces maudits préservatifs. Alors, je vous demande... » Alors, je vous demande, non pas comme un médecin. Je ne suis pas médecin. Je suis modestement une femme qui chante et qui vous a toujours parlé d'amour. Je vous demande de me croire. Je vous demande de les mettre. Pensez bien que j'aimerais vous parler d'autre chose, mais je me sens le devoir de vous parler de ça. De la même façon que vous aviez offert les droits de Si d'amour à mort à l'association Solancy, en 1996, vous cédez avec Jean-Louis Aubert la totalité des droits de votre chanson Le Couloir à l'association Act Up. Vous vous rendez dans les hôpitaux au chevet des malades. Vous allez parfois jusqu'à leur confier un numéro de téléphone imprécis pour qu'ils puissent vous joindre jour et nuit. À l'hôpital, un aumônier s'est étonné. Mais qu'est-ce que tu leur dis aux malades ? Je dis pas, moi j'écoute. Un jour, un jeune toxico m'a confié... Je ne savais pas que les rapports entre les gens pouvaient être si simples, qu'on pouvait se parler. J'ai vu des gens qui faisaient des projets, l'un pour partir en Bretagne, l'autre en Israël. Et ces projets-là précédaient l'autre départ comme un dernier effort. Tous mes malades, tous ceux dont je m'occupais sont morts, tous. Mais j'ai continué pourtant. J'ai pris en charge de nouveaux malades et aussi leurs parents. Je continuerai jusqu'à ma mort. Jusqu'à rejoindre à mon tour les morts que j'ai accompagnés. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, je te reconnaîtrai à lire ton visage, il y a tant et tant de temps que je t'attends, tu me tendras les mains, je n'aurai qu'à les prendre, oui, console les voix qui pleurent dans ta voix, je t'apprivoiserai les lumières éteintes, tu n'auras rien à dire, je reconnaîtrai bien le tout petit garçon, le dragueur solitaire qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, qui avait tout donné mais n'avait rien reçu. Si je venais vers toi, je viendrais sans bagage, que t'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, tu me reconnaîtrais à lire mon visage, il y a tant et tant de temps que tu m'attends, je te tendrai les mains, tu n'aurais qu'à les prendre, oui, consoler les voix qui pleurent dans ma voix, tu m'apprivoiserais les lumières éteintes, je n'aurais rien à dire, tu reconnaîtrais bien la toux. De petite fille aux cheveux en bataille qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus et qui aimait la pluie et le vent et la paille et le frais de la nuit et les jeux défendus. Quand viendra ce jour-là, sans passé, sans bagage, nous partirons ensemble vers un nouveau printemps qui mêlera nos corps, nos mains et nos visages. Il y a tant et tant de temps que l'on s'attend. À quoi bon se redire les rêves de l'enfance? À quoi bon se redire les illusions perdues? Quand viendra ce jour-là, nous partirons ensemble, à jamais retrouvés, à jamais reconnus. Le jour où tu viendras, oh, le jour où tu viendras. Il y a tant et tant de temps que je t'attends. D'autres injustices vous touchent? Vous équipez plusieurs maisons de retraite en téléviseur ou en poste de radio. L'association Droit au Logement se souvient avoir vu arriver un jour un taxi venant directement de chez vous, rempli de vêtements et de vaisselle. Vous faites tout cela en douce, rien n'est jamais rendu public, on vous voit rarement prendre part à de grandes actions collectives. Vous refusez la plupart du temps de signer les pétitions que l'on vous soumet. Souvent ce genre de choses est plus utile à soi-même qu'aux autres. Je ne veux pas avoir l'air d'une héroïne. Je ne suis pas une héroïne. Mon engagement, s'il existe, est un engagement d'amour. Il y a les grandes causes et puis il y a les combats clandestins. Le type qui meurt de faim près de chez soi. Je suis plutôt de ce côté-là. Vous ne prenez jamais part aux combats politiques. Mais vous êtes en colère et vous espérez mourir en colère. Il faut toujours vigiler, tout le temps. Pour les autres autant que pour soi. Je crois bien que je vigile depuis le jour où, dans ma chair, j'ai ressenti l'horreur de l'injustice. C'était au cours des premiers enterrements auxquels j'ai assisté. Je voyais des gens partir, en première ou en troisième classe, avec ou sans pompons. Des morts riches qui partaient en grande pompe et des morts pauvres qu'on emmenait dans la fosse commune. C'est ça l'injustice, la révoltante injustice. Celle qui se prolonge même au-delà de la vie. C'était « Il était un piano noir », d'après les mémoires interrompues de Barbara. Pour qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violents. 9e épisode, pour d'autres que soi. Avec Sophie Doll, Barbara, Claude Aufort, le piano noir. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut. Adaptation Sophie Lem, conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocents. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfant. Comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlin pin pin, en le square des Batignolles. Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous et c'est bien, et pour une rose entr'ouverte. Mais pour une respiration, mais pour un souffle d'abandon, mais pour un jardin qui frissonne. Rien avoir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, ne rien savoir avec ivresse. Riche de la dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie, en écrasant les fleurs sauvages. Voir jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube n'a jamais sa chance. Contre qui ou bien contre quoi, pour qui, comment, quand et pourquoi, pour retrouver le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlin pimpin, dans le square des Batignolles. Contre personne, contre personne et contre rien, et pour une rose entr'ouverte. Pour l'accordéon qui soupire, et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Et vivre, vivre passionnément, et ne combattre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour, au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance. Il était un piano noir, Mémoires interrompues de Barbara, est publié aux éditions Fayard.